se yon ti fi kon viv li kon jan boul boul le aven. Plen te fe kremen, nou ta viv ansan jiska skon voyaje. Ou li a la vi vin chanje, avon iz la gen mwen an blo. Si se pat yo lan ta jwen avon iz jiska skon mouri. Ma priye bon Dieu pou li ramase la tribulation. Je dis, harmonise ma chère, c'est pour mal faire vite à ma chérie. Déjà.